L'affaire a fait scandale au début des années 70. Elle a même considérablement envenimé les relations entre notre pays et les États-Unis. Mais, c'est vrai, il y avait de quoi irriter notre grand allié, car le Français qui s'est fait pincer à son arrivée en Amérique avec plus de 40 kilos d'héroïne semblait être un agent de nos services secrets. Un agent qui aurait agi sur ordre. Notre service de renseignement, le SDEC à l'époque, a-t-il été mêlé réellement à un trafic de drogue et pourquoi? Autant vous le dire tout de suite, l'affaire est complexe et beaucoup plus obscure qu'il n'y paraît, mais M. Hick nous a habitué depuis longtemps à démêler les chevaux de ces dossiers tortueux et à mettre en lumière les manipulations qu'il dissimule. Toutefois, disons-le immédiatement, cette affaire doit être resituée dans le cadre plus vaste des bouleversements qui secouent nos services secrets à la fin des années 60 et au début des années 70. Des bouleversements qui vont se traduire par une véritable purge et l'arrivée à la tête du SDEC d'un quasi inconnu Alexandre de Maranges. Un homme qui va tailler sans état d'âme dans la hiérarchie des services et couper pas mal de branches pourries, ou prétendu-t-elle. Le SDEC, ancienne manière, celui qui, issu de la France libre, avait traversé les coups tordus de la 4e République et les tentations barbouzardes de la 5e, aura vécu. Et selon M. X, il y perdra de sa superbe et certainement de son efficacité. 15 ans plus tard, ne l'oublions pas, ce sera la lamentable affaire du Rainbow Warrior. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, je vous ai parlé d'une curieuse histoire, celle d'un brave adjudant du SDEC accusé d'espionnage. Ouais, c'était l'adjudant Rousseau. Hein. Oui, je vous ai dit que cette affaire dissimulait en fait un règlement de compte interne au SDEC. Le vaste dossier dont je voudrais aujourd'hui vous entretenir est en quelque sorte la prolongation de cette manipulation. Et on y retrouve les mêmes armes? À peu près. Enfin, avant d'en venir au fait, je dois vous dire que cette nouvelle affaire intervient dans un climat particulièrement empoisonné. C'est-à-dire? Au début des années 60, un agent du KGB trouve refuge aux États-Unis. Un certain Anatoly Golitsyn. Mmh. Ce type révèle aux anglo-saxons que leurs services secrets sont massivement infiltrés par les soviétiques. C'est lui en particulier qui permettra de démasquer Philby et ses amis. Une histoire connue. Et en France? Moi, j'y viens, justement. Il serait bien sûr étonnant que la France soit le seul pays occidental à ne pas avoir été pénétré par le KGB. Mais Golitsyn ne dispose pas d'informations précises sur notre pays. Il affirme simplement que plusieurs taupes dont il ignore le nom se dissimulent dans nos services et qu'un réseau d'espionnage, le réseau Saphir, sévit jusque dans l'entourage même du général de Gaulle. Ah oui, c'est la célèbre affaire Colombie. En effet. Ouais. D'après le transfuge, un proche très proche du général travaillait pour nous. Ouais, on prononce alors le nom de Jacques Foccart. C'est juste. Mmh. Enfin, rien ne sera jamais prouvé. Ouais. Et votre sentiment, hein? Je n'y crois pas. Mmh. Ben, au moins, qui est clair. En tout cas, ces accusations, outre le fait qu'elles introduisent encore un peu plus de méfiance dans nos rapports avec nos alliés, provoquent un sérieux trouble dans les services français. Une vague d'espionnite. Naturellement. On se met à soupçonner tout le monde, inutile de vous dire que l'atmosphère devient détestable. Et l'affaire Rousseau est une conséquence directe de cette vague de suspicion. À travers l'adjudant, je vous l'ai dit, c'est un des patrons du SDEC, le colonel Beaumont, qu'on veut atteindre. Oui, qu'on soupçonne d'être un agent soviétique. Tout à fait, mais enfin, c'est pas tout. Une parenthèse quand même, hein. On a prétendu que les Américains et la CIA, bien sûr, n'étaient pas mécontents, au fond, de semer la zizanie dans nos services secrets grâce aux révélations de ce transfuge. Vous avez raison, d'autant, et c'est le moins qu'on puisse dire, que la politique du général irritait au plus haut point les États-Unis. Donc tout ce qui pouvait nous gêner était le bienvenu, et puis la CIA en a rajouté, mais enfin, je poursuis. Mais je vous écoute. En 1969, alors que le général de Gaulle va bientôt se retirer après l'échec du référendum, l'affaire Markovic éclate. Ouais, une affaire dont nous avons déjà parlé ensemble. C'est juste. Et vous m'aviez dit à l'époque que c'était une machine de guerre contre Georges Pompidou. Que certains gaullistes ne voulaient pas voir succéder au général. Or, des gens appartenant au SDEC sont mêlés à cette affaire. C'est-à-dire? Vous savez qu'au centre de cette manipulation, il y a des rumeurs, des photos. Oui, des photos truquées. Oui, sur ces documents ignobles, on voit l'épouse du futur président participer à des parties fixes. Et ces photos ont été fabriquées par des agents du SDEC? C'est cela, oui. Le résultat, c'est que dès qu'il est élu, le président Pompidou, qui n'a pas la mémoire courte, décide de se venger. Et de limoger les responsables. Oui. Et l'une des premières missions du nouveau patron du SDEC, Alexandre de Maranges, sera justement de se débarrasser de ces gens-là. J'ajoute qu'il ne faut pas oublier l'affaire Ben Barka, une affaire qui a montré que dans les services, on n'avait pas peur de se salir les mains. D'utiliser à l'occasion les talents très particulier de quelques truands. Voilà. Alors tout ça, ça fait beaucoup, et il est donc devenu urgent de nettoyer les écuries ogives. C'est la tâche d'Alexandre de Maranche. Oui. Mmh. Fort de la confiance de Pompidou, il va accomplir sa tâche avec une grande détermination. C'est la purge, alors. La grande lessive, oui. Les têtes vont tomber les unes après les autres, et il va s'appuyer sur tous ceux qui, Osdeck, n'ont jamais accepté la politique du général de Gaulle. Alors, la politique hostile aux États-Unis? Bien évidemment. Dans les services, beaucoup n'avaient pas accepté ce qui apparaissait comme un retournement de nos alliances. Il faut quand même pas exagérer, de Gaulle n'avait pas versé dans le camp de l'Est. Non, en fait, il avait exigé que nous nous tenions à égale distance entre l'Est et l'Ouest. Et désormais, dans les services, on devait aussi s'intéresser aux petites affaires de nos amis américains. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne devait plus seulement espionner les soviétiques, mais aussi les américains? Exactement. Mmh. Alors le nouveau patron du SDEC est un atlantiste convaincu. Homme d'affaires, il a noué de nombreux contacts avec les milieux économiques américains. Et d'emblée, il renforce nos relations avec la CIA. C'est donc un complet changement de cap. Absolument. Et Alexandre de Maranche commence, comme je vous l'ai dit, par purger le service. Mmh. Et il tape d'abord à la tête, en éliminant tous ceux qui lui paraissent un peu trop favorables aux puissances de l'Est. À tort ou à raison, d'ailleurs. Vous avez des exemples? L'un des premiers à être remercié un mois après la nomination du nouveau patron du SDEC, c'est justement le colonel Beaumont. Et celui qu'on avait déjà voulu viser en accusant le brave adjudant Rousseau. Oui, lui-même, oui. Le numéro 2 du SDEC, excusez du peu. Ce qui semblerait accréditer quand même la réalité des soupçons qui pesaient contre lui, non? Apparemment, oui. Enfin, je suis obligé de vous le rappeler, on n'a jamais rien pu prouver contre Beaumont. Et jusqu'à preuve du contraire, il est donc innocent. Et vous allez le voir, le colonel Beaumont sera au centre de l'opération de déstabilisation qui va suivre. Voulez-vous dire il en est le responsable? Non. Toutefois, on se servira de son nom. Enfin, de son nom et des soupçons qui ont pesé sur lui, bien entendu. Enfin, n'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. Alors, continuez. Après ce colonel, qui trouve-t-on dans la charrette du SDEC? C'est ensuite le chef du service 7 qui est éliminé. Et le service 7, c'était le service dirigé au moment de l'affaire Ben Barka par le fameux colonel Leroy Fenn. C'est ça, un service particulièrement efficace qui regroupait les plombiers du SDEC. Ouais, ceux qui étaient chargés donc des écoutes téléphoniques. Des écoutes en tout genre, mais pas seulement. Ces types étaient aussi des spécialistes de l'ouverture clandestine des valises diplomatiques, par exemple. Enfin, nous nous éloignons. Et qui encore? Ensuite, le couperet tombe sur la tête du directeur du cabinet de l'ancien patron du SDEC, le général Guibault. Puis c'est le chef des opérations spéciales qui est débarqué, et encore plusieurs responsables de divers services, sans compter tous les officiers et sous-officiers qu'ils ont remerciés. Mmh. Alexandre de Maranche est un civil, hein. Il peut avoir eu le désir de démilitariser le SDEC. C'est probable, et c'est un vieux problème. Pourquoi confier un service secret à des militaires? La CIA, par exemple, est un organisme civil. Mmh, d'accord. Enfin, revenons à cette gigantesque purge. Au fond, c'est donc tout l'état-major du SDEC qui est décapité. Parfaitement. L'état-major, mais aussi un service, le service 6, qu'on appelait plus communément la base de Paris ou la base Bison. Bison, un nom de code, ça? Oui, on raffole des noms de code dans l'enseignement de l'armée. Et cette base Bison, hein? Elle a été créée dans les années 60 par le colonel Beaumont. Et encore lui. Encore lui. Ouais. Et dans quel but la création de ce service 6? Je crois que dans l'esprit de ses créateurs et donc de Beaumont, il s'agissait de susciter une certaine émulation et certainement de limiter l'influence grandissante du service 7. Et puis aussi, on pense y regrouper des gens plus dociles. Des gens plus dociles, c'est-à-dire? Bien, des gens qui seront peut-être moins scrupuleux lorsqu'il s'agira de traiter des affaires politiques, par exemple. Des affaires de politique interne. Oui, et cette base Bison va devenir peu à peu l'objet de toutes les attentions et de toutes les faveurs de la direction du SDEC. Logiquement, les hommes qui la composent vont donc en prendre à leur aise. Et le scandale, car il va y avoir un énorme scandale, naîtra en partie de cette liberté et de cette indépendance qu'on a accordée à la base Bison. Pour créer ce que M. X appelle la base Bison, le colonel Beaumont ampute le service 7 d'une partie de ses attributions et de ses correspondants. Un homme s'oppose à cette initiative. C'est naturellement le chef du service 7, le colonel Leroy Fainville. Il a raconté dans un livre intitulé justement « Service 7 » paru aux Presses de la Cité, pourquoi il s'est opposé à Beaumont. Naturellement, son témoignage est un peu partial, je le cite néanmoins. Rien n'est plus délicat que le maniement de ces bénévoles qui courent souvent, à l'étranger, d'immenses dangers pour nous rendre service, ramener des informations et des documents. Entre l'officier traitant et l'honorable correspondant, doivent s'établir des relations de confiance absolue, d'amitié sincère. Des liens, des habitudes se sont tissés. Je crains des erreurs de manipulation, des négligences fatales de novices. Un HC, honorable correspondant, pris dans un pays communiste ou africain, risque de longues peines de prison, parfois la maladie et la mort. Avec mon équipe de manipulants éprouvés, je n'ai jamais eu à déplorer ce genre d'accident. C'est bien pourquoi je me sens responsable à l'égard de tous ces vieux compagnons, ces industriels, cadres, scientifiques, négociants, qui nous font confiance depuis si longtemps. Et puis, dit Jabomont, il existe un aphorisme. C'est que nos HC, qui ont souvent de fortes personnalités, dominent l'officier prétor. Nous connaissons bien ceux que nous manipulons, nous ne nous laissons pas mener en bateau, mais qu'arrivera-t-il le jour où l'un de ces contractuels voudra se servir de la couverture du SDEC pour monter une combine à lui? Une combine, une affaire douteuse. Nous y venons, justement. Alors ce scandale... Il faut d'abord que vous sachiez que, vraisemblablement, les hommes qui ont accompli la base besogne dans l'affaire Markovic appartenaient à la base Bison. Ouais, la base besogne, Les photos truquées, les diverses manipulations dans le milieu yougoslave, manipulations destinées à compromettre la femme du futur président de la République. Mais ils agissaient sur commande, j'imagine. Naturellement. Ouais. Mais ceux qui tiraient les ficelles n'ont jamais été officiellement identifiés. Des gaullistes, avez-vous dit, quand même. Oui, des minants gaullistes. Ouais. Et les agents de la base Bison? Vont être virés, sans ménagement. D'autres vont choisir de démissionner. Et on peut connaître leur nom? À quoi bon? Il y en a un parmi eux qui retiendra votre attention. Et qui, Emma? Un certain Jean-Charles Marquiane. Un ancien préfet, et puis l'ami de Pasqua. Je ne sais plus s'ils sont encore très amis après leur bisbille au RPF, mais enfin ça c'est autre chose. Donc vous accusez Marquiane, dont on sait aussi le rôle dans l'affaire de la libération de nos otages au Liban, d'avoir été l'un des acteurs de la machination contre Pompidou. Je n'ai pas dit ça, non. J'ai dit que c'était un agent de la base Bison, et que comme d'autres, il a été débarqué lors de l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou. Ouais, c'est un peu hypocrite tout ça. Enfin, vous prenez ça comme vous voulez. Ouais. Et votre scandale alors, c'est ça l'affaire Markovic? Non, Markovic c'est tout juste l'amorce de la bombe. Alors la bombe même? Ben, elle éclate en 1971, en avril exactement, c'est-à-dire 6 mois seulement après la nomination d'Alexandre de Maranche à la direction du SDEC. Mais l'affaire ne sera connue qu'en novembre 71, grâce aux indiscrétions d'un journal américain. L'information a donc été retenue? Je le pense, oui. Et elle a été rendue publique tardivement à dessein. Au moment où sa divulgation pouvait être la plus dévastatrice, bien sûr. Alors, racontez. Début avril, un citoyen français, Roger Delouette, qui vient de débarquer aux États-Unis, va récupérer un minibus qu'il a envoyé là-bas sur un cargo. Il se présente donc à la douane de Port-Elisabeth afin de régler les formalités. Et là, patatras, une jeune douanière se montre particulièrement curieuse. Vous voulez dire anormalement curieuse? C'est très possible. Elle aurait donc disposé d'un renseignement? Oui, je le pense. Alors comment ça se passe? Figurez-vous que cette jeune et perspicace douanière remarque qu'il manque une vis sur le tableau de bord de ce minibus tout neuf. Et elle pense donc que ce tableau de bord a peut-être été démonté. Tout juste. Mmh. Elle décide de désosser ce tableau de bord et le reste du véhicule. Et miracle, elle découvre une petite centaine de paquets qui contiennent de la poudre blanche. Ouais. Rien de quoi vous. De l'héroïne, oui. Il y en a pour plus de 40 kilos, mais c'est la suite qui est intéressante. Je vous écoute alors. Delouette, vous l'imaginez, est tout de suite arrêté, présenté à un juge fédéral. Et là, il fait une déclaration extravagante. Il affirme qu'il est un agent du SDEC et qu'il a effectué ce transport de drogue pour les besoins du service. Mieux, il dit avoir agi sur ordre de son chef direct, le colonel Fournier. Est-ce qu'il donne des preuves de son appartenance au SDEC? Oui, il dispose d'une authentique carte du SDEC, un document que les agents du narcotique bureau trouvent dans sa chambre. Ouais, c'est donc accablant pour le service français. Bien entendu, il faut savoir que cette affaire arrive juste après la découverte de la fameuse French Connection, et à un moment où les Américains sont particulièrement sensibilisés aux problèmes de la drogue et aux ravages qu'elle provoque dans leur jeunesse. Oui, de la drogue que certains de ces jeunes ont d'abord découverte au Vietnam. C'est vrai. Mais les Américains sont bien placés pour savoir que le trafic de drogue, parfois, est organisé par les services secrets. Oui, la CIA a même créé une compagnie d'aviation qui servait à transporter cette drogue. Et les militaires français, eux aussi, à l'époque de la guerre d'Indochine, n'ont pas hésité à encourager et à aider le trafic de drogue pour amener certaines tribus à lutter à nos côtés contre le Vietnam. Oui. Mais l'intérêt des Américains dans ce trafic, là? Et il fallait obtenir le soutien de quelques seigneurs de la guerre implantés dans le fameux triangle d'or. Je dirais plus généralement que dans les services, on aime bien les caisses noires. Ouais, les caisses noires, l'argent sale. L'argent qui échappe à tout contrôle du gouvernement. Alors parfois, pour remplir ces caisses, on se livre à quelques petites combines pas très nettes. Pour les besoins du service, naturellement. En principe, tout au moins. Mais là, l'affaire est différente parce que cette héroïne est arrivée directement sur le territoire américain et elle a été convoyée par un agent français. Oui. Avant de poursuivre et de voir comment les Américains réagissent, vous pourriez peut-être me dire un mot de ce Roger Delouette, c'est ça? Oui, Delouette. Il a eu jusqu'alors une vie assez mouvementée. Après la guerre, on le trouve aux côtés d'un homme dont nous reparlerons plus tard, le colonel Barbereau, un gaulliste de la première heure, un baroudeur, qui finira ambassadeur avant de s'occuper du BDPA, le Bureau de Développement et de Production Agricole. Un authentique organisme de coopération internationale, mais qui servira parfois de couverture à de nombreux agents du SDEC. Delouette est donc assez vite en relation avec le SDEC. Ça me paraît probable, parce que cet homme spécialiste des problèmes agricoles ne va pas cesser de travailler à l'étranger. en Afrique noire en particulier. Et à l'occasion, il a dû transmettre des renseignements. Oui, un honorable correspondant, c'est ça. Enfin, je le pense. Et en 1968, Roger Delouette est engagé par le BDPA du colonel Barbero. Pour quelle mission ? Delouette doit aller à Cuba. Là-bas, notre agent a eu quelques difficultés avec les autorités. Il doit être remplacé au public. Et donc, Delouette, sous couverture du BDPA, est l'homme choisi. Oui. C'est donc un homme qui a la confiance du ZEC. Hein. Il est très lié aux hommes de la base Bison et le colonel Barbero l'a chaudement recommandé. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'il appartient réellement au ZEC. Incontestablement. Et d'ailleurs, au cours de l'enquête qui suivra son arrestation aux États-Unis, l'administration du ZEC devra reconnaître que Delouette a été rétribué. Assez généreusement, d'ailleurs. Mmh. Autre preuve de son recrutement, Delouette, après avoir séjourné une première fois à Cuba, effectue un stage de formation à Paris, dans les locaux de la base Bison. C'est à cette occasion qu'on lui délivre une carte du ZEC, une sorte de laissez-passer. C'est la carte qu'on va retrouver dans sa chambre d'hôtel aux États-Unis. C'est cela. Une carte établie, bien sûr, sous un faux nom, mais elle appartient indubitablement à Delouette. Mmh. Et il retourne à Cuba? Non. Pour des raisons que j'ignore, sa mission est annulée. Est-ce qu'il est viré du ZEC? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il reçoit de confortables indemnités. Il accepte de partir en Afrique noire, toujours pour le compte du BDPA du colonel Barbero. Une mission ZEC? Je crois vous avoir déjà dit qu'on entre dans un service de renseignement, mais qu'on n'en sort jamais tout à fait. Ouais, votre réponse est donc claire. Je vous rappelle qu'il a gardé cette carte du ZEC. Pensez-vous qu'on la lui aurait laissée s'il avait coupé tous les ponts avec le service? Il pourrait s'agir d'un oubli. On n'aurait pas pensé à le réclamer. Non, monsieur Pénaud, vous ne faites pas plus naïf que vous n'êtes. Si Delouette garde sa carte du ZEC, c'est qu'on veut qu'il la garde. Et pourquoi alors? Parce que ça fait partie du plan. Et quel plan? Une machination dans laquelle Delouette ne jouera que le rôle d'un simple pion. J'ai consulté un livre paru en 1973, D comme drogue, un livre écrit par Alain Jaubert. L'auteur, il raconte longuement les pérégrinations de Roger Delouette après l'annulation de sa deuxième mission à Cuba. Sur la recommandation du colonel Barbero, Delouette aurait été engagé par une société d'assistance et de coopération technique. Je lis. Delouette effectue fin 70 et début 71 des missions en Algérie et en Afrique noire. La version officielle est alors la suivante. Delouette, après sa mission à Cuba, aurait été licencié du ZDEC pour incompétence et irresponsabilité. Il aurait omis de faire son rapport sur sa mission en Côte d'Ivoire et de ce fait aurait été aussi licencié du BDPA le 13 mai 1970. Il aurait alors cherché à s'inscrire comme auditeur libre à l'école agronomique de Grignon, mais se serait heurté à un refus. C'est à ce moment qu'il aurait fait une demande de visa pour les États-Unis, mais il n'appartenait plus ni au ZDEC, ni au BDPA. Nous devons accueillir ces déclarations officielles avec beaucoup de méfiance. Nous imaginons en effet assez facilement que ces mauvais certificats et ces licenciements sont des inventions a posteriori pour se débarrasser d'un agent brûlé. Quant à Jean-Charles Marquen, vous pouvez en savoir plus en lisant le livre d'Éric Lamasson, Marquiani, l'agent politique, paru aux éditions du Seuil. Il était temps de me parler de cette machination dans laquelle est impliquée Delouette. Volontiers. Il faut d'abord bien noter que l'affaire Delouette éclate après la grande purge du ZDEC. Et donc après le départ forcé de quelques éléments de la base de Paris, base Bison. Oui, oui. Mais cette base n'est pas dissoute? Non, elle passe sous la direction du colonel Fournier. Un mot alors peut-être sur ce Fournier là. Il a été longtemps l'adjoint du colonel Beaumont. Le Beaumont qui va être viré lui aussi par Alexandre de Maranche. Et Beaumont, faut pas l'oublier, est le créateur de cette base Bison. D'accord, je commence à y voir tout petit peu plus clair. J'ajoute qu'à l'initiative de Beaumont, Fournier s'est longtemps occupé des secteurs américains et Extrême-Orient. Il aurait eu alors quelques échanges peu amènes avec la CIA. À quel propos? De la drogue. Cette drogue que la CIA convoyait au Vietnam, mais certains n'avaient peut-être pas oublié. Qu'est-ce que vous insinuez là? Je dis simplement qu'à la CIA, on n'avait pas beaucoup d'amitié pour le colonel Fournier, c'est tout, mais laissez-moi continuer. Et revenons à Delouette, si vous voulez bien. Arrêtez, il met donc tout de suite en cause Fournier. Mais Fournier qui serait son chef direct au ZDEC. Tout à fait. Et il donne des détails troublants. Il parle par exemple d'une affaire de faux dollars qui lui aurait été remis par le colonel Fournier. Or, effectivement, on retrouvera chez la petite amie de Delouette plusieurs milliers de faux dollars. Ouais, mais avant d'échafauder d'autres hypothèses, on peut simplement se dire que Delouette, un vrai trafiquant de drogue, a simplement voulu atténuer sa responsabilité en revendiquant son appartenance au ZDEC. C'est vrai, mais autre chose, vous savez qu'aux États-Unis, si un accusé coopère avec la justice, il peut bénéficier de mesures de clémence. Mais quand vous dites coopérer avec la justice, c'est dénoncer ses complices. Bien sûr, et apparemment c'est le cas de Delouette. Il faut d'ailleurs remarquer qu'il ne sera condamné qu'à 5 ans de détention et qu'il n'effectuera réellement que 2 ans de prison. Parce qu'il a parlé. Oui. Ça veut dire que les magistrats américains le croient lorsqu'il affirme avoir agi sur ordre du colonel Fournier. Absolument. Et vous comprenez bien que ça fait des vagues au plus haut niveau. Le procureur chargé de l'affaire exige d'entendre le colonel Fournier. Aux États-Unis. Oui, mais le colonel Dusdex, soutenu par sa hiérarchie, refusera de faire le voyage. De la même façon, il niera toute responsabilité dans cette affaire. Et sous la pression des Américains, la justice française, à son tour, va être saisie. Et un certain nombre d'officiers des services vont défiler dans le bureau du juge d'instruction qui a été chargé du dossier. J'imagine que cette affaire embarrasse aussi le gouvernement français. Elle n'est en tout cas pas de nature à améliorer nos rapports, toujours difficiles avec les Américains. Ouais. Mais revenons à la machination, puisque vous prétendez que machination, il y a eu... Ah, je ne prétends pas, je sais qu'il y a eu machination. Ouais. Et on va commencer à comprendre lorsque le colonel Barbereau va à son tour entrer dans la danse. Mais Barbereau qui était, il faut le rappeler, hein, l'employeur de Delouette au BDPA. Oui, tout se tient. Ouais. Et que fait Barbereau alors? Dans une interview retentissante, il met les pieds dans le plat. C'est-à-dire? Il affirme que toute cette affaire cache en réalité un règlement de compte interne au SDEC et il déballe tout. Oui, précisez. Barbereau, qui n'est pas homme à mâcher ses mots, parle de la grande purge qui a secoué nos services. Une purge nécessaire, selon lui, hein. Enfin, une purge insuffisante. Le nettoyage n'est pas fini. Il faut en terminer avec les éléments indésirables, des éléments qui sont certainement à l'origine de l'affaire Delbel. Et donc, lui aussi croit à la machination? Oui, il parle ouvertement de vengeance. La vengeance de ceux qui ont été liquidés. C'est cela. Et il ne se trompe pas tout à fait. Enfin, je vous expliquerai. Mais lui aussi, Barbereau, s'est fait manipuler. Alors, expliquez-moi, alors. Dans cette interview, qui sera d'ailleurs relayée par d'autres gaullistes qui ont eu eux aussi à connaître du fonctionnement de nos services, Barbereau lance une véritable bombe. Il donne les vraies raisons, selon lui, de la purge. Et il clame haut et fort que les hommes qui ont été éliminés l'ont été parce qu'ils étaient soupçonnés de trahison. C'est très grave, ça. Oui. Et Barbereau donne un nom, Beaumont. Et il l'accuse donc de trahison. Alors, sans aucune précaution oratoire, Barbereau dit que Beaumont a été viré parce qu'on le soupçonnait d'être un agent de l'Est. Ouais. Et l'affaire de Delouette aurait été montée de toutes pièces par ceux-là même qui ont été débarqués. Pour se venger en déstabilisant le service. La preuve, enfin toujours selon Barbereau, c'est que Delouette a été engagé par le SDEC sur l'initiative de Beaumont. Donc c'était facile pour ce dernier de précipiter Delouette, un garçon faible, dans le piège qui lui a été tendu aux États-Unis. Ouais, voilà donc la machination. Oui, mais je vous l'ai dit, Barbereau, j'en suis persuadé, s'est à son tour fait manipuler. Et son interview explosive, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau, le bouquet final pour tous ceux qui ont conçu l'opération. Et le colonel, malgré lui, parfait cette manœuvre de déstabilisation qu'il dénonce lui-même. Il lui donne un retentissement encore plus formidable. C'est du grand art. Car pour vous, c'est ça l'objectif, c'est la déstabilisation du SDEC. C'est évident. Nos services de renseignement ne s'en rétabliront jamais tout à fait. Et ce n'est pas l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81 qui arrangera les choses. Mais pourquoi? Parce que Mitterrand, non sans raison, se méfiait des services. Ça l'amènera à créer un organisme parallèle, la fameuse cellule antiterroriste de l'Élysée, avec le succès qu'on connaît. Enfin, ça, c'est une autre histoire. D'accord. Alors, maintenant, il faut savoir qui se trouvait derrière cette manipulation. Une parenthèse, d'abord. Barbereau, poursuivi pour diffamation par le colonel Beaumont, finira par reconnaître plus tard qu'il a été abusé. Et il présentera des excuses à l'ancien numéro 2 du SDEC. Enfin, qu'importe, le mal était fait. Mais en reconnaissant qu'il a été abusé, est-ce que le colonel Barbereau a dit qui l'a abusé? Malheureusement, non. Il se contente de parler de mystérieuses sources qui l'auraient informé des soupçons de trahison qui concernaient Beaumont. Ouais, donc il ne dit pas toute la vérité. Évidemment. Alors, comme vous m'y invitez, essayons d'y voir clair. Une fois de plus, appuyons-nous sur les faits. Le point essentiel, vous en conviendrez, c'est la drogue. Ces 40 et quelques kilos d'héroïne saisis par les Américains. Oui, et l'origine de cette drogue, c'est ça? Bien entendu. Et dans ses aveux, Delouette a-t-il donné des détails là-dessus? Oui et non. Il a affirmé que sur ordre de Fournier, il avait rencontré dans un café un mystérieux personnage et que celui-ci, au cours d'un autre rendez-vous à la campagne, lui aurait remis la drogue et l'aurait aidé à la dissimuler dans le minibus qu'il venait d'acheter. Oui, mais aucune indication sur l'identité de ce mystérieux personnage. Non, Delouette affirme ne pas le connaître. Toutefois, je vous l'ai dit, la justice française a été saisie. Et elle aussi s'intéresse à ce livreur de drogue. Et la police finit par l'identifier. Alors, qui est-ce? Un truand. Vous ne voulez pas me donner son nom? Non, enfin vous allez comprendre pourquoi. Il se trouve que ce truand n'est autre que le cousin d'un agent de la base Bison. Un homme qui a trempé dans l'affaire Markovic et qui a dû quitter le SDEC à cause de cette affaire. Ouais, mais vous refusez d'être plus précis. Oui, mais enfin je crois que vous n'aurez nulle difficulté à trouver la trace de cet individu. Mais je dois me faire une raison si je comprends bien. Vous avez tout compris. Ouais. Mais peut-être aurez-vous quand même la bonté de m'expliquer comment les choses se sont passées. Hein. Volontiers. Ces hommes qui ont été virés du SDEC aspirent à se venger. grâce à ce truand corse qui est en rapport avec les réseaux de la drogue, des réseaux dont les cerveaux sont alors français, il se procure de la drogue. Mmh. Et il persuade Delouette qu'en transportant cette héroïne aux États-Unis, il agira pour les besoins du service. Souvenez-vous, il est en possession d'une carte du SDEC. On sait bien garder lui avec la main. Mmh. Mais Delouette, une fois arrêté, dira que c'est le colonel Fournier en personne qui lui a dit de livrer cette drogue de l'autre côté de l'Atlantique. D'accord, mais est-ce qu'il a rencontré Fournier avant de partir? Non. Ce sont les autres qui lui ont dit que l'ordre venait de Fournier. Et Delouette a gobé l'histoire. Bien évidemment. Mmh. Pour le reste, un jeu d'enfant, dès que Delouette s'embarque pour les États-Unis, ces gens préviennent de bons amis de la CIA, qui, eux, à leur tour, informent les douanes. Mmh. La CIA aurait donc joué un rôle. Bien sûr. Mmh. La CIA avait au moins deux bonnes raisons de se mêler de cette affaire. D'une part, elle avait un compte à régler avec Fournier. Oui, cette histoire de drogue au Vietnam, oui, c'est ça. Et d'autre part, la centrale américaine n'a pas dû résister à la tentation de semer une nouvelle fois le trouble dans nos services. Ainsi, le tour est joué. Dès son arrestation, Delouette, en toute bonne foi, met en cause Fournier, le SDEC. Et pour en rajouter un peu, quelques jours plus tard, on agite un chiffon rouge devant le colonel Barberou. Qui s'enflamme aussitôt. Et l'objectif est atteint. Et remarquez-le bien, les vrais responsables de ce scandale ne sont jamais inquiétés. Monsieur X a-t-il raison? Honnêtement, je ne le sais pas. Mais cette curieuse affaire Delouette pose en effet beaucoup de questions, et c'est vrai, elle sent la manipulation. En novembre 1971, par exemple, le colonel Beaumont, gravement mis en cause, comme nous l'avons vu, s'interroge dans le journal Le Monde. Qui se trouve derrière le colonel Barbereau? Les mêmes, sans doute, qui ont persuadé Delouette de transporter 40 kilos d'héroïne aux États-Unis. Quant aux manipulateurs, ceux ou ses agents compromis dans l'affaire Markovitch, je pense pour ma part les avoir identifiés en me reportant aux documents de l'époque, et je pense que vous n'aurez nulle difficulté, vous aussi, à le faire.